إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Comme je l'avais prévu, après qu'on ait pris le livre de Cheikh Hicham Kaiti, Rahimahullah Ta'ala, qui est, nous continuons cette celle-ci-là de cours résumé d'audio cours. Et cette fois-ci, j'avais choisi de prendre le livre d'un noble mashaykh du Yémen, toujours vivant actuellement, qui s'appelle Abdurrazzaq An-Nahmi. Abdurrazzaq An-Nahmi. Abu Bakr Abdurrazzaq An-Nahmi, Hafizallahu Ta'ala, qui a écrit un livre, une risala mukhtasara, nommé Ma'alim da'wat ahli sunnah. Ma'alim da'wati ahli sunnah, que l'on traduirait comme étant yani les repères, les signes de la da'wa, de l'appel prêche des gens de la sunnah. Ce livre a été préfacé par notre Cheikh Yahya ibn Ali al-Hajouri, Hafizahu Ta'ala. Et dedans, l'auteur, il fait une muqaddima assez brève. Avant tout, je précise que le livre, on ne va pas lire tout le livre, qui est déjà lui-même assez court. Mais on va prendre l'essentiel, les points essentiels, et essayer de garder notre procédé qui est de faire des audios courts et concis. Biznillah Ta'ala. Donc certains passages ne seront pas cités. Mais ceux qui sont, alhamdoulilah, qui ont la langue arabe, le PDF est disponible et pourront y retourner. On citera les principaux points de cette risala, Mubaraka, biiznillah ta'ala. Donc, dans sa muqaddima, l'auteur, hafizallahu ta'ala, explique la raison qu'il a poussé à écrire cette risala, qui au début était des simples feuillets, et par la suite il y a ajouté certaines choses, certains points, certaines précisions, et de là des gens lui ont proposé de faire éditer ce livre, chose qu'il a fait par la suite. Des toulèb l'ont encouragé à cela, chose qu'il a concrétisé par la suite, ce qui a mené à cette risala qui a été écrite en 1427, yani takriban il y a une douzaine d'années. Il est de Zamar, au Yémen. Zamar, c'est une des contrées du nord du Yémen. Et c'est là que se trouve, à la base, son masjid. Et c'est de là qu'il vient, c'est-à-dire sa tribu, ses origines. Hafizallahu Ta'ala. Awalen, savoir le qasd de cette risala, le but, c'est pour pouvoir reconnaître les choses afin de pouvoir les suivre. Allah Azza wa Jal a donné à toute chose des signes pour pouvoir les reconnaître. Le vrai comme le faux. Les gens du bien comme les gens du mal. Et parmi les gens de bien, les meilleurs et ceux qui le sont moins. Et ainsi de suite. Yaqullahu subhanahu wa ta'ala wa hadha sirat rabbika mustaqima qad fassalna al-ayat liqawmin yadhakkarun. Qu'il s'agit du sentier de ton Seigneur, la voie de ton Seigneur, droite. Et nous avons certes détaillé les signes pour un peuple qui se rappelle. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqakum bih la'allakum tattaqun. Et voici certes mon chemin dans toute sa rectitude, et suivez-le et ne suivez pas les sentiers. Il vous exhorte afin que vous craigniez. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nufassilu al-ayat liyastabina sabil al-mujrimin. C'est de la sorte que nous détaillons les versets afin que s'éclaircisse la voie des criminels. Wal ayat fi hadha al-bab kathira. Allah donne des sifat des munafiqin qu'on les reconnaisse. Allah donne des sifat des mukhlisin pour qu'on les reconnaisse. Allah donne des sifats des makirin pour qu'il le reconnaisse. Allah donne des sifats des gens des ahwa, des passions pour qu'il le reconnaisse. Et ainsi de suite. Donc là, par rapport à cela, l'auteur a voulu faire un livre, une risala, qui, elle, parle quels sont les sifats de la da'wa des gens de la sunna qui sont les salafis. Qu'on appelle al al-athar ou al al-hadith ou al al-dhalika. Quand quelqu'un rentre en islam, pour qu'il puisse acheminer sur la bonne voie, qu'il sache quelles sont les bonnes personnes à suivre, il faut qu'il reconnaisse quels sont ses signes. Qu'il sache, ces gens-là ressemblent aux signes de bien que Allah Azza wa Jal a donné, et cela ressemble aux gens du faux. Car la voie de notre Seigneur, elle est droite et elle est claire. Donc de là, l'auteur a voulu aider à contribuer à cela. Naam. Donc là, aujourd'hui, on se contentera de cette Muqaddima. Et par la suite, nous entrerons dans le kitab Biznillah Ta'ala. Al-Musamma bi ma'alim da'wat al-sunnah. Naam. Fabiyad al-Qad naktafi, nakul subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.